la mélodie des briques, mais nouvelle dans la musique, hein. Parce que je viens de loin comme Corneille, assoiffé, j'ai soif de sang, affamé, j'ai faim d'oseille. N2S, j'annonce une saison noire sans soleil. Ça saigne, poésie HLM, y'a du plomb dans les ailes. Criminogène, ça vient de la banlieue parisienne. Rares sont les non-lieux, le palais de justice, une pyramide à Créteil. Notre pire ennemi, c'est la bouteille. Boom, jack, affaire de jack, du whisky, ce qu'aux orteils. Insortable, la thèse est mortelle. Y'aura jamais d'arabe ni de hell dans la formule à Barlotel. J'traîne mon adolescence dans sa sac poubelle. Repole les keufs avec art top, brolique, verbal, mon label. Val de terre, manque en ma 4. Département cliniquement mort, direction la 4. Au tout pisse, pas ma coplace, alias les faces de ma 4. Pour nous, la mission locale, la barque, les coups de matraque. Voilà, banque avec son bras à rouge, le black est fier. Il fait les taf qu'un blanc n'osera jamais faire. Et je la ferme, j'ai nagé des kilomètres de merde. Comment dit Dufresne, à chaque jour suffit sans peine. De cette époque, on se souvient que des vainqueurs, pas des finalistes. Ramène le fric, la daronne s'en fout, je suis un artiste. Les seuls arabes qui passent à la télé sont des comiques, rien de poétique. On se postiche pour passer les portiques. Génération narcotique, ça danse au bord du précipice. La mélodie des briques, sortie tout droit du faux sceptique. Apocalyptique et la prose, relique musique. Les pauvres sont dans la fosse, nos martyrs ne sont pas amnésiques. En plus, je dois faire preuve de civisme. Vie est dans la merde, y'aura toujours du charisme. C'est pas la littérature qui nous unit, mais la dramature. 9 de I défonce toujours l'instru sans rature. Au grand MC, la banlieue sera toujours reconnaissante. Du berceau à la mort, ici les jours se ressemblent. Ensemble, on fait les cancres. Rêve de braquer des banques avant de se faire descendre. Laisse-moi faire couler l'encre. À croire qu'il faut mourir pour entrer dans la légende. C'est pas des bâtons dans les roues qu'on m'a mis, mais des bastos dans les jambes. Le famille là, je vais prêter allégeance. Injection de semi-strong, crève des charges, l'instru aux urgences. Les blessures ne sont pas cicatrisées. Le flow n'est pas customisé. Y'a du ciment sur nos plaies. Rap de thèse, impossible à apprivoiser. Du plomb dans les ailes, d'arron joue la fiche de paye au tiercé. Dès que j'avance, on met un coup de slas dans le dos. Ça ramène du pige en arrière. N'est-ce là, pas de plan de carrière. Tout chial à moi les pinières, sombre crinière. J'ai le goût du sang dans la bouche quand je fais la prière. Et on crève comme on a vécu. La poésie, ta douleur pour les exclus. Du bitume sur du PQ. N2S, N2S, rap de thèse. Tu peux pas taire.